Après le bal, par Léon Tolstoï. Vous dites qu'un homme ne peut comprendre par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, que tout dépend du milieu, que le milieu façonne l'homme, et moi je pense que tout tient au hasard. Tenez, je vous raconterai quelque chose qui m'est arrivé. Ainsi parlait le très respecté Ivan Vassilievitch après une conversation dont le sujet était que, pour le perfectionnement individuel, il faut avant tout changer les conditions dans lesquelles vivent les hommes. Je vous parlerai d'après ma propre expérience. Toute ma vie a été influencée non par le milieu, mais par toute autre chose. Racontez. Ivan Vassilievitch réfléchit, puis hocha la tête. Oui, dit-il, toute ma vie a pris une autre orientation à cause d'une nuit, ou plutôt d'une matinée. Que vous est-il donc arrivé ? Demanda l'un de nous. Il m'est arrivé que j'étais très épris. J'avais été amoureux plusieurs fois, mais cet amour était autrement fort. C'était déjà vieux. Elle a maintenant des filles mariées. C'était Mademoiselle B. Oui, Marenka B. Ivan Vassilievitch prononça le nom. Même à 50 ans, elle est encore belle. Mais quand elle était jeune, à 18 ans, elle était exquise, élancée, gracieuse, élégante et majestueuse, précisément majestueuse. Elle se tenait toujours très droit, comme si elle ne pouvait faire autrement, la tête légèrement rejetée en arrière. Et avec sa beauté et sa haute taille, cela lui donnait, malgré sa maigreur, un air royal, qui, sans son sourire caressant, eût tenu tout le monde à distance. Toujours gai, les yeux brillants, charmants, tout son jeune être était délicieux. Oh, oh ! Comme Ivan Vassilievitch décrit bien. On aura beau décrire n'importe comment, tout ce qu'on pourra dire ne donnera pas une idée de ce qu'elle était. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce que je vais raconter remonte à la décade des années 40. Mon plus grand plaisir, c'était les soirées et les bals. Je dansais bien, je n'étais pas laid. Ne faites pas le modeste, l'interrompit une dame. Nous connaissons votre portrait daguerréotypé. Il ne faut pas dire que vous n'étiez pas laid, vous étiez très beau. Eh bien, soit, j'étais beau. Mais il ne s'agit pas de cela. Dans cette période où mon amour pour elle atteignait le summum, le dernier jour des fêtes du carnaval, je fus au bal chez le maréchal de la noblesse, un vieillard très bien, riche, hospitalier et chambellan de la cour. Bien qu'amateur de champagne, je n'en bus pas, car même sans vin j'étais ivre, ivre d'amour. Mais en revanche, je dansais jusqu'à tomber des valses, des polkas, et bien entendu, le plus souvent possible avec une ceinture rose. Elle avait des gants de peau blanc qui arrivaient jusqu'à son coude maigre, pointu, et des petits souliers de satin blanc. Se dégoûtant Anisimov, l'ingénieur me chipa la mazurka. Je ne lui ai pas encore pardonné. Formellement, je ne dansais point la mazurka avec elle, mais en réalité, c'est presque tout le temps avec elle que je la dansais. Sans se gêner, traversant toute la salle, elle venait droit à moi, et je m'élançais sans attendre l'invitation, et elle me remerciait d'un sourire d'avoir compris. Quand on nous amena devant elle, et que, ne devinant pas ma qualité, elle dut tendre la main à l'autre cavalier, elle eut un haussement de ses épaules maigres, et en manière de regret et de consolation, me sourit. Pendant les figures valsées de la mazurka, je valsais longtemps avec elle, et la respiration rapide, en souriant, elle me disait « Encore !» Et je valsais, valsais, ne sentant plus mon corps. Je dansais avec elle et ne m'apercevais pas de la fuite des heures. Les musiciens, avec l'acharnement de la fatigue, vous connaissez cela, quand arrive la fin d'un bal, jouait toujours le même motif de la mazurka. Dans les salons, les papas et les mamans avaient déjà quitté les tables de jeu en attendant le souper. Les domestiques couraient, empressés, portant quelque chose. Il était déjà plus de 2 heures. Il fallait profiter des derniers instants pour l'inviter encore une fois, et pour la 100e fois, nous fîmes ensemble le tour du salon. Alors, le quinquennat après le souper est à moi. Lui dis-je en la reconduisant à sa place. « Sans doute, si l'on ne m'emmène pas, » me répondit-elle en souriant. « Je ne le permettrai pas, » dis-je. « Donnez-moi mon éventail, » me dit-elle. « C'est dommage de vous le rendre déjà, » dis-je en lui tendant un petit éventail blanc sans valeur. « Alors voilà, pour que vous ne regrettiez pas. » Et elle arracha de l'éventail une petite plume et me la tendit. Je pris la plume, et je ne pus que par le regard lui exprimer tout mon bonheur et ma reconnaissance. J'étais non seulement gai, content, j'étais heureux. Bon, je n'étais plus moi, mais un être non terrestre, immatériel, ignorant le mal et apte au bien seul. Je cachai la plume dans mon gant et restai debout, n'ayant pas la force de m'éloigner d'elle. « Regardez, on demande à papa de danser, » me dit-elle en désignant la haute et élégante personne de son père, colonel aux épaulettes d'argent, qui se tenait dans l'embrasure d'une porte entourée de dames. Comme nous approchions de la porte, le colonel refusait, disant qu'il ne savait plus danser. Toutefois, en souriant de la main gauche, il retirait son sabre du porte-épée et le remettait à un serviable jeune homme qui se trouvait à côté de nous, puis gantant sa main droite. « Il faut que tout se fasse selon les règles, » dit-il en souriant, et il prit la main de sa fille, pivota d'un quart de tour et attendit la musique. À la première mesure de la mazurka, il frappa énergiquement d'un pied, lança l'autre en avant, et sa haute personne, tantôt doucement et en mesure, tantôt bruyamment avec des chocs de pieds l'un contre l'autre, commença à se mouvoir autour de la salle. La gracieuse Varenka volait à côté de lui, tantôt allongeant, tantôt diminuant les pas de ses petits pieds en souliers de satin blanc. Toute la salle suivait chaque mouvement de ce couple, et moi non seulement je l'admirais, mais je le regardais avec un attendrissement enthousiaste. On voyait qu'il avait dû danser très bien autrefois. Mais maintenant il était un peu lourd et ses jambes n'étaient plus assez souples pour les pas gracieux et rapides qu'il s'efforçait de faire. Cependant il fit deux tours. Et quand, séparant rapidement les jambes puis les rapprochant, il tomba à genoux, bien qu'un peu lourdement, et qu'elle, souriante, rajustant sa jupe qu'il accrochait gracieusement, tourna autour de lui, tous battirent bruyamment des mains. Il se releva avec un certain effort, prit tendrement d'une façon charmante sa fille par les oreilles, lui mit un baiser sur le front et me la ramena, pensant que je dansais avec elle. Je lui dis que je n'étais pas son cavalier. « Cela ne fait rien, faites maintenant un tour avec elle, » me dit-il en souriant tendrement et remettant son épée. De même qu'aussitôt qu'une goutte a coulé de la bouteille, tout son contenu se vide à grand flot, ainsi mon amour pour Varenka délivrait toute la capacité d'aimer cachée dans mon âme. À ce moment, mon amour embrassait tout l'univers. De retour à la maison, j'enlevai mon manteau. Je pensais pouvoir dormir, mais je vis bientôt que c'était absolument impossible. Non, j'étais trop heureux, je ne pouvais pas dormir. En outre, j'avais chaud dans cette chambre trop chauffée, et sans ôter mon uniforme, je passai sans bruit dans le vestibule où je mis mon manteau, puis, ouvrant la porte de la rue, je sortis. J'avais quitté le bal après 4 heures du matin. Le temps d'arriver à la maison, d'y rester un peu, 2 heures s'étaient écoulées de sorte que quand je sortis, il faisait déjà jour. C'était l'époque du carnaval. Il y avait du brouillard, la neige humide fondait dans les rues et coulait de tous les toits. Les baies habitaient à l'extrémité de la ville, près d'un grand champ au bout duquel se trouvait la promenade publique et de l'autre côté l'institut de jeunes filles. En arrivant au champ, près de l'endroit où se trouvait leur maison, j'aperçus à l'autre extrémité, dans la direction de la promenade publique, quelque chose de grand et de noir, et j'entendis les sons d'une flûte et des tambours qui venaient de là-bas. Dans mon âme, tout chantait et de temps en temps je percevais le motif de la mazurka. Mais ce que je venais d'entendre était tout autre, une musique cruelle, méchante. « Qu'est-ce que c'est ? » pensais-je, et prenant au milieu du champ le chemin glissant, je me dirigeais du côté d'où venaient les sons. Après avoir fait une centaine de pas à travers le brouillard, je commençais à distinguer plusieurs personnes en vêtements sombres. C'étaient évidemment des soldats, probablement en exercice, pensais-je, et en compagnie d'un forgeron en paletot de peau de mouton sale et en tablier, qui portait quelque chose et marchait devant moi. Je m'approchais davantage. « Que font-ils ? » demandai-je au forgeron qui s'était arrêté à côté de moi. « On fustige un tartare pour désertion, » répondit avec humeur le forgeron en regardant à l'extrémité du rang. Je portai mes regards dans la même direction et j'aperçus entre les rangs quelque chose d'effrayant qui s'avançait de notre côté. Ce quelque chose qui s'avançait était un homme, nu jusqu'à la ceinture, attaché au fusil de 2 soldats qui le traînaient. À côté de lui marchait un militaire de haute taille, en manteau et képi, dont l'allure me rappela quelqu'un de connu. Tressaillant de tout le corps, les pieds clapotant dans la neige fondue, l'homme puni s'avançait de mon côté, sous les coups qui tombaient sur lui de gauche et de droite, tantôt se rejetant en arrière, et alors les sous-officiers qui le traînaient par les fusils le poussaient en avant, tantôt tombant en avant, et alors les sous-officiers, pour l'empêcher de tomber, le tiraient en arrière. Et à côté de lui, la démarche ferme, marchait l'officier de haute taille. C'était son père, avec son visage rouge, sa moustache et ses favoris blancs. À chaque coup, l'homme puni avait l'air de s'étonner. Tourné du côté d'où lui venait le coup, son visage crispé par la souffrance, et en découvrant ses dents blanches, répétait quelque chose. Ce fut seulement quand il se trouva tout près de moi que je distinguais ses paroles. Il ne parlait pas, mais sanglotait. « Frère, ayez pitié de moi. Frère, ayez pitié. » Mais les frères n'avaient pas pitié, et quand le cortège se trouva juste à la même hauteur que moi, je vis le soldat qui était en face résolument faire un pas en avant, agiter le bâton en le faisant siffler dans l'air, et l'abattre lourdement sur le dos du tartare. Celui-ci fit un mouvement brusque en avant, mais le sous-officier le retint, et un coup pareil lui fut donné de l'autre côté, et de nouveau, d'un côté, et de nouveau, de l'autre. Le colonel s'avançait toujours à sa suite, regardant tantôt le sol, tantôt le puni, aspirant l'air à pleine joue, puis le laissant sortir lentement entre ses lèvres. Le cortège ayant dépassé l'endroit où je me tenais, j'aperçus entre les rangs des soldats le dos du prisonnier. C'était quelque chose de bariolé, de mouillé, d'un rouge non naturel. Je ne pouvais croire que c'était un corps d'homme. « Oh, Seigneur Dieu !» murmurait à côté de moi le forgeron. Tout d'un coup, le colonel s'arrêta, puis s'approcha rapidement de l'un des soldats. « Je t'apprendrai !» l'entendis-je dire d'une voix courroucée. « Tu as peur d'y toucher, je t'apprendrai !» Et je le vis frapper de sa main forte, ganté, le visage du soldat effrayé, anémique, parce que celui-ci n'avait pas laissé tomber suffisamment fort son bâton sur le dos ensanglanté du tartare. « Donnez des bâtons frais » cria-t-il, et se retournant, il m'aperçut. Il feignit de ne pas me reconnaître, fronça méchamment les sourcils et se détourna hâtivement. J'avais tellement honte que je ne savais où regarder, comme si j'avais été surpris faisant un acte répréhensible. Je baissai les yeux et m'éloignai hâtivement. Tout le long du chemin résonnait dans mes oreilles tantôt les tambours, tantôt la flûte, tantôt les paroles. « Frère, ayez pitié !» Tantôt la voix ferme, courroucée, du colonel criant « Je t'apprendrai, je t'apprendrai !» Et mon cœur était pris d'angoisse, d'une angoisse presque physique appelant la nausée, une angoisse telle que je dus m'arrêter plusieurs fois, prêt, me semblait-il, à vomir toute cette horreur que ce spectacle avait répandue en moi. Je ne me rappelle pas comment je rentrais à la maison et me couchais, mais à peine m'étais-je endormi que de nouveau j'entendis et vis tout, et bondis de ma couche. Eh bien, pensez-vous que ma conclusion fut que ce que j'avais vu était un acte mauvais? Nullement. Si on faisait cela avec une telle assurance, si tous le jugent nécessaire, c'est évidemment qu'ils savent quelque chose que j'ignore, pensais-je, et je tâchais de l'apprendre. Mais j'eus beau faire, je n'y pus parvenir, et ne l'ayant pas appris, je ne pus entrer au service militaire comme je n'avais formé le projet auparavant. Et non seulement je n'ai pas servi dans l'armée, mais je n'ai servi nulle part. Et comme vous le voyez, je n'étais bon à rien. « Eh bien, et l'amour ?» demandâmes-nous, « l'amour ?» À dater de ce jour, l'amour commençait à diminuer. Quand elle devenait pensive, le sourire sur le visage, comme cela lui arrivait souvent, je me rappelais aussitôt le colonel sur le lieu de la bastonnade, et je me sentais mal à l'aise. Alors je commençais à espacer de plus en plus nos rencontres, et l'amour disparut complètement. Ainsi, voilà ce qui arrive et qui change du tout au tout la vie d'un homme, termina-t-il. Et vous dites ? C'était Après le bal, par Léon Tolstoï.